بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc on reprend, inshallah, sans plus attendre, sur une nouvelle règle, et l'auteur dit القاعدة الأولى, la première règle. La première règle concernant les attributs. La première règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال قواعد في صفات الله تعالى. Donc les règles qui ont précédé, comme on l'a vu précédemment, c'était des règles concernant les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on commence des règles concernant les attributs, puisque le livre, l'œuvre se nomme قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى, des règles exemplaires concernant les attributs d'Allah exalté et ses noms les plus parfaits. قال القاعدة الأولى, dans la première règle, il dit, concernant les attributs, صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها من وجه أو بوجه من الوجوه لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك فقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلابد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. On lit jusque là, on traduit cette première partie avec un commentaire, ensuite on continuera, inshallah, sur la lecture du matn, du texte. Alors, cette nouvelle règle concernant les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'auteur dit les attributs d'Allah exaltés sont tous des attributs de perfection. Donc cette règle-là qu'on va apprendre, c'est que tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des attributs de perfection, de sorte qu'il ne comporte aucune imperfection sous quelque forme que ce soit. De sorte qu'il ne comporte aucune imperfection de quelque sorte ou quelque forme que ce soit. Dans l'explication, premièrement, on va d'abord prendre l'explication de ce que dit l'auteur, puisqu'il commence en disant « Il en est ainsi des attributs comme la vie, la science, le pouvoir, l'ouïe, la vue, la miséricorde, la puissance, la sagesse, l'élévation, la grandeur, etc. C'est ce qui est attesté par les arguments scripturaires, le Coran et la Sunna, mais également par les arguments rationnels et prédispositions naturelles, al-fitra. Ensuite, il va mentionner des preuves à cela. D'abord, dans le commentaire, pour bien comprendre cette règle. قال اعلم أن الصفات من حيث هي صفات منها صفة كمال على الإطلاق ومنها صفة نقص على الإطلاق ومنها ما يكون نقصا في حال وكمالا في حال أخرى فالذي هو كمال على الإطلاق ثابت لله عز وجل والذي هو نقص على الإطلاق يمتنع على الله والذي هو كمال في حال دون حال يوصف الله به في حال الكمال دون حال النقص وهذه القاعدة العامة وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. Premièrement, dans le commentaire, Cheikh Ibn Al-Thaymin nous explique que les attributs du fait qu'il soit attribut, c'est-à-dire que les attributs en tant qu'attributs, il y a des attributs qui sont des attributs parfaits, quel que soit l'aspect, ils sont parfaits dans l'absolu. Donc il dit, les attributs, ce qu'on appelle le terme en arabe « as-sifat », on peut même rester sur le terme maintenant en arabe, « as-sifat », les sifat, en tant que sifat, il dit, il y en a qui sont « kamal ». Kamal, c'est-à-dire qui dénotent la perfection, qui sont parfaits dans l'absolu. Donc c'est la perfection dans l'absolu. « Waminha », parmi les attributs, il y a des attributs qui dénotent l'imperfection à l'inverse. Qui dénotent à l'inverse l'imperfection, et cela dans l'absolu. Cela dans l'absolu. « Waminha », et parmi les attributs, il y en a qui peuvent dénoter l'imperfection dans certains cas, mais dans d'autres cas, peuvent dénoter la perfection. Fi halin ukhra. Faladi huwa kamalun ala al-itlaq thabitun lillah. Ce qu'on confirme pour le Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est les attributs de perfection dans l'absolu. Ce sont les attributs, la première catégorie qu'on a mentionnée dans ce qu'on vient de mentionner, ce sont les attributs de perfection dans l'absolu. فَالَّذِي هُوَ كَمَالٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ ثَابِتٌ لِلَّهِ. Donc, ce qui dénote la perfection dans l'absolu, c'est ثابت لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. On le confirme pour Allah جَلَّ وَعَلَى. وَالَّذِي هُوَ نَقْصٌ. Par contre, ce qui peut dénoter l'imperfection dans l'absolu, alors, on ne peut pas attribuer cela au Créateur subhanahu wa ta'ala. Donc, ces attributs-là, en aucun cas, peuvent être attribués au Créateur subhanahu wa ta'ala. Et walladhi huwa kamalun fi hal duna hal yusafu Allah bihi fi hal al-kamal duna hal an-naqs. Par contre, des attributs qui peuvent tantôt, selon la situation et les circonstances, dénoter une perfection ou tantôt dénoter l'imperfection an-naqs selon la situation ou la circonstance, alors on peut décrire Allah subhanahu, il dit subhanahu wa ta'ala selon l'aspect parfait. Selon l'aspect parfait de l'attribut. De l'attribut. وَلَدِي هُوَ كَمَالٌ فِي حَلْ دُونَ حَلْ يُصَفُ اللَّهُ بِهِ فِي حَلِ الْكَمَالِ دُونَ حَلْ النَّقْصِ. C'est-à-dire que ces attributs qui peuvent dénoter aussi bien la perfection tantôt que l'imperfection, alors on peut décrire le Créateur subhanahu wa ta'ala par ses attributs, mais de leur aspect parfait seulement. De leur aspect parfait. Et non selon l'aspect ou le côté qui dénote la perfection. Et là, ce qu'il vient de mentionner d'une manière sommaire et résumée, il dit que c'est une règle générale. C'est une règle générale, mais le détail de cela viendra dans ce qui va suivre, Inch'Allah. Donc ça va venir dans un autre passage du livre où il va détailler cela. Taïb. En ce qui concerne les attributs d'Allah, donc, les attributs d'Allah sont des attributs de perfection dans l'absolu. C'est la règle qu'on apprend aujourd'hui. La règle qu'on apprend aujourd'hui, c'est que les attributs d'Allah sont des attributs de perfection dans l'absolu. C'est-à-dire, la naqsa fiha. Il n'y a aucune imperfection. Elle dénote aucune imperfection, ces attributs-là. Biwajhim min al-wujud. Quel que soit l'aspect. Cette règle que vient de mentionner Shir, le fait de dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ne dénotent que la perfection, c'est-à-dire la perfection dans l'absolu, c'est une règle où il y a un accord. Il y a un accord. Hadi muttafaqun alayha. Les musulmans sont d'accord sur cela. Il n'y a pas de désaccord sur cette règle-là. فَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَقُولُونَ إِنَّ صِفَاتِ اللَّهِ كَامِلَةٌ لَيْسَ فِيهَا نَقْصٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Il dit, tous les musulmans professent cela. Ils reconnaissent cela. Que les attributs d'Allah sont des attributs de perfection et en aucun cas ils renferment ou dénotent une imperfection, quelle que soit la forme de celle-ci. Lakin ma huwa al-kamal. Donc les musulmans sont d'accord sur cela, s'accordent pour dire que les attributs d'Allah Azzawajal sont des attributs de perfection. Mais Shir pose la question, il dit, mais qu'est-ce que la perfection ? Ma huwa al-kamal ? Mais qu'est-ce que la perfection ? Hal kullu kamalin fil makhluqi kamalun fillah ? Wa hal kullu kamalin fillahi kamalun fil makhluq ? Al-jawabu la. Quelle est cette perfection-là ? Est-ce que, il pose la question, il dit, est-ce que toute perfection liée à la créature est une perfection concernant Allah ? Et aussi, est-ce que toute perfection concernant le créateur est une perfection concernant les créatures ? C'est un point d'interrogation, donc il pose la question. Est-ce que toutes les perfections concernant les créatures sont perfections concernant Allah ? Ou bien toutes les perfections concernant Allah sont perfections concernant les créatures ? Il pose la question et dit « Al-Jawab », la réponse « Non ». Il dit la réponse « Non ». « فَمَثَلًا التَّكَبُّر » Par exemple, l'orgueil. L'orgueil, concernant Allah Azza wa Jal, c'est un attribut de perfection. « Al-Kibr » ou « التَّكَبُّر » concernant le créateur, ça dénote la perfection. C'est un attribut de perfection. « وَفِي الْمَخْلُوقِ صِفَةٌ نَقْص » Tandis, que pour les créatures, c'est un attribut d'imperfection. Par exemple, concernant les êtres et les créatures, le fait de boire, de manger, de se marier, ce sont des attributs de perfection concernant l'être humain et l'homme. Tandis que pour le créateur, concernant Allah Azza wa Jal, ça c'est des attributs de l'imperfection. Pour cela ne lui est pas attribué. فَإِذَا نُسِبَتْ إِلَى اللَّهِ فَهِيَ صِفَةٌ نَقْصٌ. Pour cela ne lui est pas attribué, le fait de boire, de manger, de se marier. Pourquoi ? Parce que concernant le créateur, ça serait lui attribuer l'imperfection. Donc concernant le créateur, c'est un attribut d'imperfection qu'on ne lui attribue pas. سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Mais concernant l'être humain, le fait de boire, manger ou se marier, c'est un attribut de perfection. وَلِهَذَا يُنَزَّهُ اللَّهُ عَنْهَا. Et donc, par exemple, c'est pour ça que Allah Jalla wa Ala est exemple de cela. On ne lui attribue pas cela. لَكِنَ الْكَمَلْ الْمُتْلَقْ دُونَ النِّسْبِ هَذَا ثَابِتٌ لِلَّهِ عَلَى الْإِطْلَقْ. Par contre, la perfection absolue, sans qu'elle soit, cette perfection-là, proportionnelle ou bien relative. Celle-ci, elle est confirmée pour Allah subhanahu wa ta'ala. La perfection absolue, sans qu'elle soit relative, donc la perfection qui serait proportionnelle ou bien relative, celle-ci n'est pas d'attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, la perfection qui n'est pas proportionnelle ni relative, qui est parfaite dans l'absolu, celle-ci est confirmée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, l'imperfection dans l'absolu, celle-ci n'est pas attribuée, on l'attribue par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hal al kamal yuzanu bil shar' aw yuzanu bil 'aql? Al-jawab. Maintenant, il pose une autre question. On a traité cette première question. Dans une autre question, il dit, mais est-ce que la perfection, comment on peut définir la perfection ? Est-ce que la perfection, elle est définie de manière religieuse, ou bien on la reconnaît selon notre raison, selon la raison ? Donc, qu'est-ce qui est pris en considération ? Al-Mizan, ce qui est pris en considération pour reconnaître la perfection. Est-ce que c'est la législation, al-shara, la religion, ou bien c'est al-aql, ou bien c'est la raison de l'homme. Al-jawab, la réponse, amma ahl al-ta'til fa yazinunahu bil-aqli wa yaj'alunahu al-talaqiya li sifati Allah ta'ala bil-aqli faqat. Wa la shak anna hadha qawlun batilun wa annahu hukmun 'ala Allah wa laysa ridha bi hukmi Allah. وليس رضا بحكم الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الكمال يتلقى من الشرع والعقل قد يسند الشرع وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصوره وقد يظن ما كان حسنا وليس بحسن والعقل يكون مساندا للشرع فيثبت ما أثبته الشرع من الحسن ولا يكون مستقلا بمعرفة الحسن والقبيح بالنسبة لأسماء الله وصفاته لأن هذا أمر يدرك بالشرع. Là, c'est très pertinent ce que nous enseigne l'auteur. Donc, la réponse. Qu'est-ce qu'on prend en considération concernant la perfection? Est-ce que c'est le religieux, dans la religion, qu'on considère la perfection et qu'on comprend, qu'on peut concevoir la perfection, ou bien c'est par rapport à notre raison? C'est notre raison qui est prise en considération, qui est en quelque sorte al-mizan. Al-Jawab, la réponse est dit. En ce qui concerne Ahl al-Ta'til, on avait déjà cité la doctrine de Ahl al-Ta'til, les partisans de la négation. Ahl al-Ta'til, c'est les partisans de la négation. Pour eux, ce qui fait référence, donc en résumé la question, on pourrait dire, quelle est la référence concernant la perfection? Est-ce que c'est la législation ou bien la raison? Concernant les partisans de la négation, pour eux, ce qui fait référence, c'est la raison, c'est l'aql. Donc, eux, ils se réfèrent à la raison. Et pour eux, comment ils peuvent affirmer les attributs, concevoir les attributs, c'est par rapport à leur raison. Ce qui fait référence chez eux, c'est la raison et non la législation. Il n'y a pas de doute que cette pensée-là, c'est une pensée fausse. C'est une pensée fausse. Et c'est un jugement concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette réponse-là et ce jugement-là n'est pas le jugement qui plaît au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ou qui va dans le sens du jugement d'Allah. Mais concernant la doctrine des gens de la Sunna et du consensus, فيقولون إن الكمال, eux considèrent que ce qui fait office de référence pour la perfection, c'est la législation. C'est الشرع. C'est dans la religion. والعقل قد يسند الشرع. Tandis que la raison va suivre la législation. وقد يعجز عن إدراك الحسن لقصور. Car aussi la raison parfois elle est limitée. Donc parfois, elle ne peut pas concevoir le parfait ou le meilleur par rapport au fait qu'elle soit limitée, par rapport à sa limitation. Alors parfois, la raison peut concevoir une chose bonne alors que celle-ci n'est pas bonne. Parfois, la raison peut concevoir une chose meilleure alors que celle-ci n'est pas meilleure. فَالْعَقْلُ يَكُونَ مُسَانِدًا لِلشَّرَعَ. Donc c'est pour ça qu'en réalité, la raison suit la législation et se conforme à la législation. Donc la raison doit se conformer à la législation. فَيُثْبِتُ مَا أَثْبَتَهُ الشَّرَعُ مِنَ الْحُسْنِ. Et donc la raison, elle va confirmer ce qu'a confirmé la législation. La raison doit confirmer ce qu'a confirmé la législation comme perfection. Wala yakun mustaqillan bi ma'rifati al-hasan wal-qabih binisbati li asma'illahi wa sifatihi. Et regardez en conclusion pour bien comprendre la réponse, il dit, et donc la raison ne doit pas faire preuve d'indépendance par rapport à la législation concernant la reconnaissance du meilleur et du mauvais. Concernant la reconnaissance du bon et du mauvais, lorsqu'on est dans le domaine des noms d'Allah et des attributs. لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ يُدْرَكُ بِالشَّرْعِ. Pourquoi? Parce que concernant Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela sa description, ses noms, ses attributs, comment Allah Jalla wa Ala est, comment il nous a informé à son sujet. Tout cela est lié à la législation, à la religion. Et donc, la raison ne peut pas concevoir ces choses-là, si ce n'est le fait que sa référence est Ash-Shara, que sa référence est c'est Ash-Shara, la législation. Donc ça, c'était la réponse à cette question. Ensuite, il dit, parmi les attributs, dans le texte ensuite, il dit, après qu'il ait dit que tous les attributs dénotent la perfection dans l'absolu. Ça, c'est une règle. Tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dénotent la perfection. Tous les attributs sont des attributs de perfection. Il dit comme par exemple, Al-Haya, l'attribut de la vie. Ou Al-Ilm, l'attribut de la science. Ou Al-Qudra, l'attribut de la capacité, de la puissance. Ou Al-Sama, de l'ouïe, de l'audience, de la clairvoyance. Al-Rahma, de la miséricorde. Ou Al-Izza, ou Al-Hikma, ou Al-Ulu, ou Al-Azama. Donc tous ces attributs-là, ces attributs de sagesse, d'élévation, de grandeur. Ou Al-Ghayri Dhalika, et autres parmi les attributs de perfection. Ou Qad Dalla ala Hada Al-Sama. Qui est-ce qui nous a indiqué cela? C'est la législation. C'est dans les textes qu'on apprend cela. Les textes indiquent que ce soit le Coran, le noble Coran, ou bien la Sunna du prophète, indique l'attribution de ces attributs au Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, on trouve dans les textes l'attribut de la vie, de la science, de la puissance, de l'audience, de la clairvoyance, de la miséricorde, de l'élévation, de la grandeur. Donc, qu'est-ce qui nous indique cela? Ce sont les arguments scripturaires, les textes, ce qu'on appelle aussi les arguments textuels, les textes, mais aussi l'aqlu, mais aussi la raison, wal-fitra, et aussi la prédisposition. Ça t'a traduit par la prédisposition. Al-fitra, c'est la nature innée de l'être humain. La nature innée de l'être humain. Donc tout cela confirme ce qu'on vient de citer comme exemple d'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sam'u, à titre d'exemple, dans les arguments textuels, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى. Regardez dans un verset, Allah dit, une traduction relative du sens du verset, le mauvais exemple appartient à ceux qui ne croient pas à l'heure dernière. Et l'exemple le plus haut, c'est-à-dire, et l'exemple le plus parfait appartient à Allah. Il est l'infiniment puissant et l'infiniment sage. Le terme qui est cité dans le verset en arabe, المثل الأعلى. المثل الأعلى. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset ? وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah appartient l'exemple le plus parfait. Et Allah appartient l'exemple le plus parfait. Or, juste avant, il est cité مَثَلُ السَّوْءُ. مَثَلُ السَّوْءُ, c'est l'exemple mauvais. Celui-là, Allah Azzawajal dit qu'il appartient à ceux qui ne croient pas à l'heure dernière. Mais l'exemple le plus haut et le plus parfait appartient au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, car il est l'infiniment puissant et l'infiniment sage. Donc, le terme qui est le mathal al-a'la n'est autre que l'exemple le plus parfait, n'est autre que la description la plus parfaite. Lorsqu'ici, dans le verset, il est dit, les savants disent, lorsque dans l'exemple il est dit, al-mathal al-a'la, l'exemple le plus parfait appartient à Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Cheikh ici, l'auteur, dit que ça veut dire que la description la plus parfaite lui appartient. La description la plus parfaite lui appartient. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que la description la plus parfaite, elle est confirmée dans le noble Coran. Elle est confirmée dans le noble Coran. C'est ça ce qu'il sous-entend comme étant les preuves textuelles. Les preuves textuelles. En ce qui concerne maintenant les preuves textuelles, aussi dites scripturaires. En ce qui concerne les preuves rationnelles. Maintenant, on est dans les preuves rationnelles. Al-aqliya. Al-ladillatul aqliya. Là, on a parlé de l'adillatu al-sam'iyya, al-shar'iyya. Là, maintenant, concernant l'argument rationnel, puisqu'on a dit que la raison en réalité se conforme à la législation, au shara. Et donc, les arguments rationnels, l'auteur nous dit, il y a le fait que tout ce qui existe réellement doit nécessairement posséder une description. Regardez ce qu'il dit. أَمَّا الْعَقْلُ فَوَجْهُهُ أَنَّ كُلَّ مَوْجُودٍ حَقِيقَةً لَبُدَّ أَنْ تَكُونَ لَهُ صِفَةً إِمَّا صِفَةُ كَمَالٍ إِمَّا صِفَةُ نَقْصٍ وَالثَّانِي بَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّبِّ الْكَامِلِ. Regardez ce cheikh, qu'est-ce qu'il dit. Là, ce qu'il est en train de traiter, c'est très important. Ce qu'il faut comprendre, il parle du fait de détenir des attributs. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient les attributs de perfection. Il dit l'une des preuves qu'il y a dans le Coran, c'est lorsqu'Allah dit que Al-Mathalul A'la, Lillah Al-Mathalul A'la, Allah appartient l'exemple le plus parfait, c'est-à-dire la description de perfection. C'est-à-dire, il dit la description la plus parfaite. En ce qui concerne maintenant Al-Aql, concernant l'argument rationnel, il dit en fait ce que Al-Aql, la raison, conçoit. Et ce qui est clair pour la raison, c'est qu'il y a le fait que tout ce qui existe, tout ce qui a une existence réelle et qui existe réellement, la Buddha Antakun Alahu Sifa, doit nécessairement posséder une description. Tout ce qui existe réellement doit nécessairement posséder une description. Laquelle est soit parfaite ou bien imparfaite. Donc tout ce qui existe a nécessairement une description. Est-ce qu'il est concevable qu'une chose existante qui existe n'a pas de description? Qu'elle soit une description parfaite ou bien une description imparfaite? N'est pas concevable. La raison conçoit que toute chose existante et qui existe réellement et véritablement a une description. Que cette description soit une description parfaite ou bien imparfaite. Or, le deuxième cas est absurde. Absurde dans le sens impossible et faux lorsqu'il s'agit du Créateur, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que toute chose existante a forcément une description, qu'elle soit parfaite ou bien imparfaite. Lorsqu'on a dit la deuxième chose est absurde, impossible pour le Créateur, c'est-à-dire la description imparfaite. La description imparfaite. En ce qui concerne le Créateur, la description n'est que parfaite dans l'absolu. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur glorifié soit-il, est parfait. فَثَانِي بَاطِلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّبِّ الْكَامِلِ. Et donc, en ce qui concerne le Seigneur, cela n'est pas possible et faux. C'est-à-dire, le deuxième cas, la description imparfaite. Car le Seigneur est le parfait et seul celui qui est le seul à mériter l'adoration. C'est pourquoi l'auteur nous dit que Allah, glorifié soit-il, a mis en évidence la nullité et la vanité du caractère divin des idoles. Du caractère divin des idoles. C'est pour ça que l'auteur, regardez ce qu'il va dire. Il va dire, c'est pour ça que Allah, subhanahu wa ta'ala, wa lihada adhara Allah ta'ala butlan al-uluhiyyati lil-asnam ou butlan uluhiyyati l-asnam bittisafiha bin-naqsi wal-ajz. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en évidence la nullité, le caractère nul et la vanité du caractère divin des idoles. Du caractère divin des idoles. Pourquoi? Parce que celles-ci se caractérisent, les idoles se caractérisent par l'imperfection et par l'impuissance. Allah dit dans le Coran, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Donc qui est, une traduction relative du sens du verset, وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Et qui est le plus égaré de celui qui invoque en dehors d'Allah ce qui ne lui répondra pas jusqu'au jour de la résurrection? Ils ne prêtent aucune attention à leur invocation. Et Allah dit, وَمَنْ أَضَلُّ. Et quel est le plus égaré? مِنْ مَنْ يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة. Quel est le plus égaré de celui qui va invoquer ce qui ne pourra jamais lui répondre jusqu'au jour de la résurrection? C'est une aberration. C'est pas rationnel. C'est pas raisonnable d'invoquer celui qui pourra jamais lui répondre, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça, وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Alors que ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, ils sont, comme il est dit dans le verset, ils prêtent aucune intention. Ils prêtent aucune attention en ce qui concerne ces invocations-là, le fait qu'eux-mêmes soient invoqués. Allah, dans un autre verset, nous dit « In tad'uhum la yasma'u du'a'akum, wa law sami'u mastajabu lakum, wa yawm al-qiyamati yakfuruna bishirkikum. » Allah, dans un autre verset, nous dit « Et si vous les invoquez, ils n'entendraient pas vos demandes. »« In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. » Si vous les invoquez, ils n'entendraient pas votre demande. Et Allah dit « وَلَوْ سَمِعُوا et s'ils entendraient votre demande, مَسْتَجَابُوا لَكُمْ ils ne pourraient y répondre. Ils ne pourraient répondre à votre demande. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ et le jour de la résurrection, ils désavoueront, s'innocenteront, se désavoueront de votre polythéisme, du fait que vous les ayez invoqués. Taïm. Juste avant de terminer, l'auteur nous dit, dans l'explication de ce qu'on vient de citer, il y a quelques points qu'il explique, dans l'explication qu'il vient de citer. Il dit, lorsque il a cité le verset, لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مَثَلُ السَّوْءِ, dans ce verset-là, lorsqu'Allah parlait du mauvais exemple et de l'exemple le plus parfait, celui qui appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Il dit, الْأَعْلَى, الْمَثَلُ الْأَعْلَى, que nous on traduit par l'exemple qui est Al-A'la, le plus parfait, c'est dans le sens Al-A'la Al-Akmal. C'est pour ça qu'on ne traduit pas le plus parfait. Sinon, littéralement, Al-A'la, c'est dans le sens le plus élevé. L'exemple le plus élevé. Ici, Al-A'la, littéralement le plus élevé, c'est dans le sens de Al-Akmal. C'est pour ça qu'on traduit par le plus parfait. وَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَعَالَى لِلَّهِ مَثَلُ الْكَمَالِ. Et Allah n'a pas dit, à la place de le Mathalul A'la, Allah n'a pas dit Mathalul Kamal. Puisque, on aurait pu dire Mathalul Kamal. Mais Allah n'a pas dit ça. Il a dit Mathalul A'la. Bel qala wa lillahi le Mathalul A'la. Yarni, allazi la shay'a fawqa fa kullu sifatin ittasafahu Allahu biha fa hiya a'la ma yakunu min sifatil kamal. Wa qala ta'ana fi suratil Rum wa lahu le Mathalul A'la. في السماوات والأرض يعني كل من في السماوات والأرض يعتقدون هذا أن لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. Là, c'est très pertinent, c'est une belle faïda, puisqu'il dit, regardez, Al-A'la, lorsqu'on dit le plus haut, Al-A'la littéralement c'est celui qui est le plus haut, comme dans Sourate Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى, glorifie le nom de ton Seigneur Al-A'la, le plus haut. Allah Jalla wa'ala huwa Al-Ali. Et c'est pour ça qu'Allah il dit dans différents versets wa huwa Al-Ali Al-Hakim wa huwa Al-Ali Al-Kabir. Allah est le plus haut, l'élevé. Subhanahu wa ta'ala. Donc le plus haut, alladhi la shay'a fawqahu. Le plus haut, c'est celui dont personne n'est au-dessus de lui. Rien n'est au-dessus de lui. C'est lui le plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien n'est au-dessus de lui. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, rien n'est au-dessus de lui. Et donc, la shay'a fawqahu fa kullu sifatin ittasafa Allahu biha. Et donc ça veut dire que, regardez, remarquez bien ce que va la thèse et ce que va nous dire l'auteur, fa kullu sifatin ittasafa Allahu biha, que tout attribut par laquelle Allah Jalla wa Ala s'est caractérisé. Biha. Fahiya a'la. Fahiya a'la. Ma yakunu min sifatil kamal. Fahiya a'la. Tous ces attributs dont Allah Azza wa Jalla s'est caractérisé, ces attributs qui sont au-dessus de tout. Au-dessus de toute perfection. C'est des attributs qui sont au-dessus de toute perfection. كما قال الله تعالى في سورة الروم. Regardez dans un verset, Allah dit dans la sourate les Romains. Dans la sourate les Romains, puisqu'il y a une sourate qui s'appelle la sourate الروم, la sourate des Romains. Allah dit وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah détient l'exemple الْأَعْلَى, littéralement le plus haut, le plus parfait, فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, dans les cieux et sur terre. Dans les cieux et sur terre. Yerni. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les cieux, tous les habitants des cieux, et wal-ard, et de terre, ya'taqidun, considèrent, ont la conviction, ya'taqidun, anna hadha lillahi al-mathalul a'la, qu'en ce qui concerne Allah, Allah détient la description la plus parfaite. C'est l'exemple le plus haut. Wa huwa al-azizu Al-Hakim. Pour cela, ensuite, Allah dit qu'il est Al-Aziz Al-Hakim. Deux de ce nom. Deux, parmi ces noms les plus parfaits, Al-Aziz, ou parmi ces noms sublimes, Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz qui dénote l'attribut Al-Izzah, et Al-Hakim qui dénote l'attribut de la Hikma. Voilà, ça c'était la faïda concernant le Mathalul Arla. Donc si vous voulez, on peut s'arrêter là. Inch'Allah, naktafi bihada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala, nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka, wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.